Yo tout le monde, c'est Biguinin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Pour m'accompagner, comme toujours, Tobias de la team Marvel Story. Comment vas-tu, Tobias? Eh ben ça va nickel, et toi? Ouais, ça va nickel. Ah, parfait. Toujours chaud de la night pour parler du MCU. Ah mais toujours, c'est... toujours là, bon, toujours. Bah, top, top. Je rappelle que Marvel Story est présent sur tous les réseaux sociaux, hein, donc sur Twitter, Facebook, Instagram et donc sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous follow. On est de plus en plus nombreux, donc on vous en remercie pour ça. C'est vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Et puis on est aussi présent sur Spotify depuis peu. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Et comme invité, on a Clapman. Comment vas-tu, Clapman? Eh ben très bien, je rentre tout juste du travail, je savais pas que vous étiez sur Spotify et c'est très cool. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, c'est cool. Ouais, bah depuis le temps, faut le raconter quand même au peuple, hein. Ça fait quand même 2 mois qu'on veut le faire et on a du mal à l'enregistrer cette session, mais bon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On est là. Cette fois, on est là. Les négociations ont commencé en septembre. Ah oui, non, mais c'est vrai, en plus, ça a même commencé avant ça. Oh, quelle horreur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, au final, on y est arrivé, donc c'est cool. C'est génial. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, toi et ta chaîne? Alors, globalement et principalement, je fais depuis bientôt 2 ans la semaine prochaine, de la critique cinéma sur YouTube sous le pseudonyme Clapman. Et on a ouvert ça aussi aux séries et aussi un petit peu aux jeux vidéo. Donc voilà, critique cinéma principalement. Ouais. Bah déjà, bon anniversaire en avance, hein, du coup. Enfin, pour ceux qui le regarderont, bon anniversaire à toi. Hein. Merci, merci. On te connaît surtout pour le fait que tu dormes très peu pour faire aussi tes vidéos. Ça charbonne. Ouais, pour gérer le travail plus YouTube la nuit, c'est un peu compliqué. Mais bon, tant que je suis encore en vie, on va dire que tout va bien. Bon, bah c'est cool, c'est cool. Et donc, tu es présent sur YouTube, et j'imagine aussi par le biais de tes réseaux sociaux. Donc c'est Twitter, ça, alors, sur tous les réseaux, c'est ça. Bah, surtout actif sur Twitter et Instagram, un peu moins sur Facebook, un peu moins sur Facebook aujourd'hui. Donc, c'est les 3 réseaux sociaux, on peut me retrouver aussi. Et bah, j'invite tout le monde à te follow, hein, franchement. Tout à fait. Comme pour tous nos invités, tu fais du bon travail, on sent que tu es passionné, donc c'est cool. Et c'est pour ça qu'on a vraiment insister sur le fait que tu puisses participer avec nous à un podcast Marvel Story. Donc merci à toi. Bah, merci à vous pour l'invitation. Et j'ai oublié aussi de mentionner le fait que Tobias, t'as ta chaîne YouTube aussi. Et oui, oui, oui. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. On fait un peu de promo. Ah voilà, c'est ça, le business. Il y en faut aussi. Et faites des dons. Bon, du coup, les amis, on va passer au programme du jour. Dans un premier temps, on va revenir sur Iron Man 3. Pourquoi le film divise autant la communauté MCU. Dans un second temps, on fera un focus perso sur Clint Barton, alias Hawkeye. Et en troisième et dernière partie, on reviendra sur le film qui nous a le plus déçu sur le MCU. Donc, on donnera notre avis à tour de rôle. C'est parti. Parlons d'Iron Man 3, 7e film du Marvel Cinematic Universe qui arrivait après le carton le premier Avengers. Iron Man 3 sorti en 2013 donc, et qui est le 2e film du MCU à avoir fait le milliard après Avengers. Clapman, on va commencer par toi vu que tu es l'invité. Déjà, qu'as-tu pensé d'Iron Man 3? Moi j'avais été très très très très divisé à l'époque. C'est vrai que j'avais adoré Avengers. Je crois j'avais 16 ou 18 ans à l'époque. Et donc c'est à partir vraiment de ce moment-là où je me suis dit, c'est bon, le MCU, je vais le suivre de très près pour essayer de revivre des émotions que j'avais ressenties à la fin d'Avengers. Iron Man 3, j'en étais sorti très confus, très divisé. Je trouvais que c'était le final, enfin au niveau du final du film, c'était certainement celui qui était le plus spectaculaire. Mm-hmm. Par contre, pour moi, c'est celui aussi, c'est le film qui a apporté vraiment la dose d'humour que certains trouveront bien lourdingue dans le MCU. D'accord. Et c'est pour ça, à partir de celui-ci que certains codes du MCU ont commencé à diviser. Ouais, d'accord. Et quant à toi, Tobias, t'en as pensé quoi? Ah ouais, alors j'ai un avis un peu différent. J'ai beaucoup aimé le premier film qui est vraiment centré sur Tony Stark, plus que sur Tony Stark, plus que sur le Iron Man, puisqu'on voit un peu plus ses émotions, ce qu'il ressent. C'est plus un film tourné autour de Tony Stark, et ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Le fait que l'armure soit plus mise de côté, tout ça. Et surtout... Et oui, c'est l'homme qui fait Voilà. Le héros et pas l'armure. Ouais. Voilà, ben justement pour moi, Iron Man 3, c'est ce que le film a voulu montrer avec son intrigue. Et voilà, en fait, il y a beaucoup. Je comprends toujours pas Ouais, le pourquoi. fait qu'il soit Ouais, autant voilà, décrit. c'est ça. À la limite. Après, Ouais, ouais, vas-y. vas-y. Ah, Ouais, je vas-y. disais, c'est surtout sur le fait que pendant toute la campagne, avant la sortie du film, donc par le biais des bandes annonces, où on va Ouais, dire voilà. c'est le mandarin, on nous l'a Ouais, annoncé comme le ça. gros Ouais. méchant, et je Ça pense aussi. que Ouais. c'est le truc qui n'est pas passé en fait. Ouais, justement, je trouve ça Ça, intéressant. ça aussi, bien sûr. Ça, c'était le deuxième argument pour moi. C'est le mandarin, forcément, c'était un choix couillu, je pense, déjà pour l'époque. Bah Et oui, forcément, ça les divisait. Mais c'est intéressant parce qu'on voit qu'avec Tobias, les gens n'ont pas le même avis. ouais, C'est pour voilà, ça c'est. que le film divise beaucoup. C'est-à-dire que toi, tu as plus retenu l'aspect, on a mis en avant Tony Stark plutôt qu'Iron Man. Alors que une autre grande partie du public dont je fais partie, c'est vraiment arrêté sur le mandarin où j'ai Oui. l'impression qu'on nous l'a foutu à l'envers. Et pour revenir sur l'humour, moi, ce qui me dérange, c'est ce côté où comment dire, quand l'humour casse les moments d'action, les moments épiques, ça peut me déranger. Il y en a certains dans Iron Man 3 qui étaient assez épiques et qui sont toujours conclus par une touche d'humour assez lourdingue. Ouais. Je pense Ouais. à la scène de l'avion, par exemple, où Ah Tony bah Stark, oui, où elle est l'armure, géniale cette. Ouais, bah, la, elle est bah, en géniale. fait, la scène est géniale. Par contre, moi, ça m'agace ce petit truc à la fin où on va voir qu'au final Tony Stark n'était pas dans l'armure, ou aussi à la fin lorsqu'il va être, se retrouver face à Guy Pearce, qui va être quasiment accroupi, qui va appeler l'armure avec son bras et qui va se casser la gueule contre une barrière derrière. C'est des petites choses qui peuvent, Bah, ok, qui peuvent m'agacer. Moi, ouais. j'ai besoin d'avoir des scènes comme la bataille du métro de Spider-Man 2, la bataille sur le métro avec Octopus. Ah oui, Voilà, t'as ouais. vraiment quelque chose d'épique, de marquant, quelque chose qui va De te bout rester. en bout, Ouais, c'est ça. Et quand ça vient être un petit peu gâché par de l'humour lourdingue, c'est en ça que pour moi ça a pas mal divisé et que je t'en ouais. sorti très assez moyennement déçu, on va dire. Parce que, ouais, sur la scène où ils sauvent les 13 personnes de l'avion derrière, donc ils récupèrent tout le monde, là, c'est, tu vois, ils auraient pu s'arrêter là, et puis derrière, ils se prennent le camion, là. Ouais, c'est Tu vois? clair, c'est ça. Donc, c'est vrai que, bah, après, je trouve que c'est, comme tu l'as dit, ça part d'Iron Man 3. J'ai l'impression qu'avant, ça se faisait pas trop. Puis derrière, bah, c'est un peu, tu le retrouves un peu partout, quoi, dans Thor Ragnarok, un peu moins dans les Captain, mais dans les Ant-Man où t'as quelque chose d'assez épique, et derrière, Ouais. ça contrebalance avec, bah, une touche d'humour où, forcément, du coup, ça retire un peu l'épique que t'as eu juste avant, quoi. Alors C'est qu'Avengers, dommage. alors que je trouve qu'Avengers c'était plutôt bien géré, moi, le final, parce que dans le final il y a pas mal de touches d'humour aussi, mais je trouvais que ça entachait, mais absolument pas. Après, c'est peut-être parce que le final était tellement épique que les petites touches d'humour, moi je pense à la scène qui est celle qui m'a fait hurler de rire, c'était quand le capitaine veut donner des ordres aux policiers, que personne l'écoute, et Ah puis oui, là qui va taper trois chitoris, t'as le policier qui se retourne et qui donne ses instructions. Alors, moi, je me souviens, c'était quoi? C'était il y a 8 ans au cinéma, je me souviens, mais la salle, on était mort de 3 minutes après, je rigolais encore sur ça, quoi. Mais du coup, enfin, je sais pas si vous en souvenez, mais quelle a été votre réaction au moment où, on a le mandarin qui est interprété par Ben Kingsley, quand même, tu vois, un acteur de renom, et derrière, en fait, c'est un vieux alcoolo qui joue un rôle, quoi, Bah, qui qui sort regarde des des matchs de foot, ouais, chiottes, qui c'est sort des ça. chiottes, qui est avec des prostituées, qui est maté un match de foot en buvant de la bière, tu vois, le mythe complètement déglingué, quoi. Moi, là, ça va être totalement différent parce que du coup, ouais, moi j'ai pas vu Iron Man 3 au cinéma. J'ai rejoint le Moi, tu l'as Sien vu Corot. après coup. Donc, ouais, donc j'ai vraiment aucune attente. Donc, moi, on m'a rien promis, on m'a pas dit, ouais, le méchant, alors en fait, même si je connais le mandarin. Sur le coup, je me suis dit, Marvel a voulu tenter des choses différentes. Je me suis dit, pourquoi pas. Ouais, enfin, moi, honnêtement, j'ai pas été déçu. J'étais plus curieux de voir où ça menait. Ouais. Et ouais, non, moi en vrai je trouvais que c'était pas une mauvaise idée, mais pas non plus la meilleure Je idée comprends. qu'ils aient eue. Enfin voilà, vraiment moi c'était un mode Ouais. ouais. Après, tu l'as vu après coup aussi, donc Ouais, quelques années voilà, c'est après pour sa ça. sortie, C'est donc pour ça ça, va. c'est pour ça. Donc Ah oui, donc ouais, c'est ça qui j'imagine est. Tu bien. l'avais vu au ciné, toi, donc. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'imagine bien qu'il y a quand même, pour les gens qui l'ont vu au ciné, Enfin, même quand on te vend le personnage du mandarin et tout, je peux comprendre que ça peut rebuter une fois qu'on voit le résultat, quoi. Non, mais du coup c'est ça et c'est intéressant parce qu'on peut parler du coup de la façon dont on vend le film. Hein, ça va toucher un autre sujet. Et en plus, je me souviens, il me semble, enfin moi, si je me souviens bien, les bandes annonces d'Iron Man 3, enfin je m'en souviens d'une qui était très sombre, il me semble très épique, Oui, où elle était beaucoup focalisée, même je pense, sur l'attaque de sa villa, où on le voyait faire des galipettes sous les débris, essayer de récupérer des petits bouts de son armure, etc. Et je crois qu'on avait une bande annonce, ouais, qui était vraiment dans ce style. Et c'est vrai, quand je me suis retrouvé devant le film, ouais, peut-être, enfin peut-être que je revois la bande-annonce, mais il me semble ouais, qu'elle est quand même pas en accord avec le côté très, très ouais. humour. Bon, bah, le mandarin, forcément non, parce que je me souviens du mandarin, le mandarin était assez présenté comme ouais, l'ultime bad guy, limite. Ouais. Et au final, ouais, c'est vrai que c'est bah, assez stabilisant. Et je pense, oui, bah, c'est pour ça que le film a autant divisé, c'est sûr. Après, ce qu'on peut relever, c'est que bah, Marvel Studios, pour une fois, tu vois, généralement, dans les bandes-annonces, tu arrives un peu à lire le scénario du film. Et justement, là, en fait, ils prennent le contre-pied total. Et c'est aussi quelque chose qui est à mettre en valeur, je trouve. Le fait que, oui. Du coup, tu vois la bande-annonce et ils prennent le contre-pied. Et ouais, t'as carrément autre chose. Bah, et je pense qu'aujourd'hui, ça se... Enfin, pratiquement personne le fait, quoi. Après, ouais, c'est justement pour ça que d'un côté, je pourrais jamais détester Iron Man 3. C'est parce que on voit que Marvel a quand même voulu tenter des choses nouvelles avec ça. Exactement. Avec le début de cette phase 2. Déjà, essayer de faire un film, bon, même s'ils se sont un peu foirés sur le coup, peut-être un peu plus sombre, qui se focalise vraiment sur Iron Man en tant que personne et non en tant que... Ben, Iron Man, du coup, donc c'est complètement con que j'ai dit Iron Man vu que j'aurais dû dire Tony Stark, mais c'est pas grave. mais ouais, ils ont essayé de nouvelles choses. Bon, ça a pas vraiment marché parce qu'au final, on revient toujours avec cet humour. Mais après, faut pas oublier du coup que c'est le film qui lance la phase 2. Oui. Et qui fait suite à Avengers, donc forcément tout le monde est allé en salle. Ça explique pourquoi aussi il a fait le Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bien sûr, ça c'est sûr. Mais après, bon, après même là, après, si aujourd'hui le personnage atteint une telle popularité, c'est-à-dire que même là, si aujourd'hui il te faisait un Iron Man 4 ou qu'importe, on n'ira pas du coup. Mais je pense que même s'il y avait eu un Iron Man 4 derrière, il n'y avait même pas besoin du succès d'Avengers avant. C'est un milliard minimum maintenant un Iron Man. Oui, et je pense même s'ils en font un prochain Iron Man, même avec un autre acteur, je pense que rien que le nom d'Iron Man réussira à faire un milliard de recettes ensuite. Si le public accroche pas à la nouvelle version, ça suivra pas forcément derrière. Mais aujourd'hui, le nom est devenu vraiment populaire. Après, il y a quelque chose d'aussi de novateur, je trouve, par rapport au film. C'est que c'est une narration, en fait. C'est Tony Stark qui raconte. Je sais pas si vous vous souvenez, le fait voilà, il raconte ce qui se passe au début du film. Ah oui, c'est vrai, ça. Un peu générique, tu vois qu'en fait, il discutait sur son sofa avec Bruce Banner. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Et c'est vrai qu'à la fin de la phase 1, on attendait à ce que ben, ça ouvre de nouvelles perspectives. Hein. Et c'est vrai que ce Iron Man 3, ben, c'est quelque chose qui... Je sais pas, c'est un film assez décalé dans tout ce qui se fait dans tous les autres films par rapport aux autres films du MCU. Et alors, pourquoi pas, tu vois, pour la phase 4, partir sur... ils vont peut-être faire quelque chose comme ça. Un film qui va prendre le contre-pied, à voir. Après, il y a quand même des moments sympas. Genre, je trouve que ça approfondit peut-être un peu plus le personnage de Pepper. Quand on la voit porter l'armure. Donc c'est peut-être le film où on la voit le plus Et puis, il faut aussi mentionner Extremis. Qu'ils ont essayé d'adapter dans le film et qui a donné le résultat qu'on connaît, que moi, j'ai... plutôt bien aimé, même si c'est loin de sa version des comics. Ouais, moi je trouve que ça reste un film de qualité. Je sais que tu retrouves l'ambiance un peu Noël, c'est un peu le film Celui que tu mates en décembre. C'est vrai que toute la partie avec le gosse, par contre, est intéressante et ce qui pourra donner plus d'intérêt à cet Iron Man 3. Bah, c'est si ce gosse qu'on retrouve à la scène d'enterrement à la fin d'Avengers Endgame, si lui, on pouvait le retrouver encore à la suite. Oui. Si vraiment ils arrivent à faire en sorte que dans 5 ans, ça soit lui le nouveau Iron Man, par exemple, pour la prochaine vague des nouveaux Avengers, on va dire. Ouais, ça pourrait être cool. Et là, du coup, c'est vrai que c'était Iron Man 3, on le verrait différemment. Parce qu'on et oui, ça porterait plus de gosse. C'est vrai que ce gosse, bah, c'est celui qui reprendra l'armure, celui qui a repris l'armure après, c'est... peut-être 10 ans plus tard, peut-être, donc c'est plus de 10 ans même, ça fera, donc c'est assez fou. Ça peut être vraiment dingue. Mais je pense que c'est pour l'instant le film du MCU qui divise le plus. Tu vois, où personne n'est... Non, vous diriez pas ça? Ouais, c'est... Enfin, y a beaucoup... Alors... Ouais, c'est compliqué. Alors, ça comme question. Compliqué ça comme question. Moi, je pense un petit Gardien de la Galaxie 2. Oh, c'est ah ouais, tu penses qu'il divise celui-là, ouais. Moi c'est pareil, moi je pense qu'il avait quand même assez divisé aussi. Bon, après c'est vrai qu'il y a aussi, on en a parlé vaguement, mais Aldrich Killian, moi personnellement j'ai vraiment eu du mal avec ce personnage, le fait qu'à la fin il se déclare mandarin, je suis le mandarin. Ouais. Tu vois, c'est... j'ai eu du mal avec ce personnage. Ouais, en gros, c'est, ouais, c'est en mode, ouais, c'est moi qui ai écrit cette image, c'est moi qui ai tout créé, donc ouais, c'est moi qui ai tout ça. Ouais. Alors que derrière, il y a Shang-Chi où justement le vrai mandarin apparaîtra, donc c'est ouais. un peu bizarre. Même. Au final, ouais, c'est quand même un film où. Ouais, il y a un méchant fonction au final, mais c'est vrai que le film se repose vraiment beaucoup plus sur Iron Man versus Tony Stark, presque, j'ai envie de dire. Ouais, Tony Stark essaie de se détacher de son armure, mais c'est vrai qu'ensuite, que ce soit Guy Pearce ou le mandarin, enfin, cette blague du mandarin, c'est pas forcément marquant. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce premier sujet. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, pas forcément. Bah, écoutons. Moi, je suis curieux de voir comment le personnage reviendra un jour, parce que c'est sûr que qu'Iron Man, le personnage, enfin l'armure reviendra au cinéma, mais ensuite on va faire toi, mieux. Tu penses que qu'on reverra du Iron Man dans le MCU? Ah, si, ça c'est sûr. Mais en flashback, plus sur des nouvelles aventures. Non, ouais, pour moi, ça sera une nouvelle version. Ça sera ça sera pas le gosse. Moi, le gosse, je le vois pas. C'est ça a l'air écrit que dans 6-7 ans, le gosse reprendra l'armure. Là, pour suivre. Ce qu'a fait Robert Downey Jr., ça va être compliqué. Hein. Ou peut-être qu'ils introduiront Riri Williams, qui dans les comics est une sorte d'héritière. Ouais, voilà, au fait, ça sera une femme, ouais, ça sera peut-être une femme aussi. On parlait aussi de la sœur de Black Panther. Shuri. Voilà, ouais, on parlait de Shuri aussi. Oh. J'y crois un peu moins, mais après, voilà, pour moi, c'est sûr que voilà, Iron Man, on reverra ce nom et on reverra de nouvelles aventures avec cette armure. Oui. Sûrement. Pourquoi pas. Après, ils ont quand même essayé de mettre Spider-Man en tant que relève directe d'Iron Man. Donc, c'est pour ça que pour moi, il y a quand même un léger doute. Mais, Pour moi, je pense justement que ce sera quand Spider-Man. Moi, je pense que c'est quand Spider-Man va retourner à 100% chez Sony qu'ils vont ressortir Iron Man pour moi. Moi, je la sens comme ça, l'histoire. À voir où en sont les négociations entre Sony et Marvel Studios. Pour l'instant, ça a l'air de. Ça tire un petit peu, mais c'est sur un fil. Et justement, c'est le passage de flambeau. Moi, je le vois bien avec Tom Holland qui repasse le flambeau au prochain Iron Man. Et du coup, il aura fait le lien entre ces deux Iron Man. Voilà, merci. Et la boucle est bouclée. C'est ça. En tout cas, ça risque d'être intéressant de suivre tout ça. Donc, tant mieux. Ouais. Je pense qu'on peut passer au deuxième sujet. Yes. Ouais. Focus donc sur Hawkeye, Clint Barton. Personnage qui a été introduit dans Thor, mine de rien. Il fait une petite apparition, oui, c'est sa vrai. Première apparition dans oui, Thor. C'est vrai. Ouais. Ensuite, on le retrouve dans le premier Avengers. On le retrouve dans Avengers 2. Ensuite, apparition également dans Civil War. Et puis, on le retrouve donc dans Avengers Endgame. Et non, et pas d'apparition pour Infinity War. Donc, au final, c'est un personnage qu'on a pas beaucoup vu, je trouve. On l'a vu également dans Avengers 2, je sais pas si je l'ai dit, l'ère d'Ultron. Et ouais, je disais... bah c'est surtout dans celui-ci, ouais, je pense que c'est... Ouais, on va en parler. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un personnage qu'on n'a pas forcément bien exploité au début, surtout pour la première phase où justement tu avais ce retour, on le voit pas forcément dans Avengers 1, le fait qu'il se fasse contrôler rapidement par Loki dans le film. Et au final, je trouve que petit à petit, plus on avance et plus on en est découvert un peu plus sur lui, que ce soit dans Avengers, l'ère d'Ultron, et puis dans Endgame. Clapman, t'en as pensé quoi de ce perso, ton retour Alors, en fait, il avait tout pour devenir vraiment le personnage secondaire aux F, soit dans Thor ou dans le premier Avengers, où bon, voilà, c'est vrai qu'en retrait, tu mettais quand même Scarlett Johansson et lui. Après, Scarlett Johansson, au vu de son nom et de sa popularité, bon, c'est sûr qu'elle allait prendre un peu plus de poids. Et encore, quoique, bon, elle va avoir son film, mais bon, sinon, c'est quand même deux personnages qui sont restés, qui ont eu un temps d'écran quasiment similaire. Un peu plus pour Scarlett Johansson. Mais ensuite, ouais, quand Jeremy Renner a commencé à taper du poing sur la table pour dire qu'il voulait pas simplement être en arrière-plan, il a eu beaucoup plus de temps dans Avengers 2, ça c'était plutôt cool. Et là, c'est pas rien. Il va avoir sa petite série sur Disney+. Et comme c'est un personnage que moi, j'ai plutôt apprécié, je suis assez curieux de voir ça. J'ai envie d'en voir plus. Je reste sur ma faim. Et toi, Tobias? Ouais, moi aussi, je reste sur ma faim. À vrai dire, pour moi, voilà, justement, on parlait au début que Hawkeye pouvait être le personnage secondaire un peu aux F si ça continuait. Ben moi, c'est le sentiment que j'en ai gardé. J'ai l'impression qu'il n'a pas été assez exploité, qu'il n'y a pas assez matière pour enfin moi en tout cas pour que je puisse réellement m'attacher au personnage, à part à partir de Avengers, vraiment Avengers 2, où on voit un peu sa famille, tout ça, un peu comment le personnage vit, tout ça. Mais sinon, c'est pas un personnage qui, moi, me passionne réellement. Et j'ai trouvé que son passage dans Endgame aurait pu être mille fois mieux amené. Ouais, le fait son développement par rapport à Ronan, c'est ça ? Voilà, par rapport à Ronan, par rapport à sa famille qui est... par rapport à sa famille qui a disparu. Il prend un sabre, il fait maintenant je vais chasser les méchants. Non, je suis un peu le cul entre deux chaises sur ce personnage parce qu'il me passionne pas tant que ça, mais d'un côté je le déteste pas. C'est vraiment un personnage que j'attends de voir comment ils vont terminer son arc narratif et voilà. Dans la série. Ouais. Bah, moi je trouve qu'il a un développement plutôt cohérent. Voilà, comme j'ai dit, ça monte crescendo. Au début, dans Thor, ils l'ont introduit, mais un peu à l'arrache, histoire de préparer Avengers. Dans Avengers, t'as cette petite complicité avec Scarlet, enfin avec Black Widow, du coup. Ça, c'est là où il prend vraiment du galon, comme tu as dit, Clapman, c'est Avengers 2, où tu sens qu'il fait vraiment partie des Avengers, c'est un membre. C'est un vrai manque de l'équipe. Et puis après, il prend sous son aile Wanda Maximoff. Donc, moi, franchement, je trouve que son évolution est plutôt cohérente et plutôt aboutie. Même si dans Endgame, comme tu l'as dit, Tobias, le fait qu'il y a ce revirement de situation, il perd toute sa famille et qui bute tout le monde. Mais je pense que ça aurait pu. Pour moi, c'est cohérent. Moi, tu penses que. Après, c'est comme un point de vue. Mais. Ouais. Et du coup, toi, Clapman. Par rapport je dirais à son rôle, tu trouves qu'il a un rôle central dans le MCU ou pas? Central au final non, et d'ailleurs même là j'étais en train de penser à ça. Est-ce qu'on le voit à un moment durant la bataille finale dans Endgame? Il me semble que oui, puisque à un moment il s'empare du gant de l'infini pour le donner à T'Challa. Je sais pas si tu te rappelles. D'accord, ça je me souviens. Alors je me souviens du gant de T'Challa qu'il récupère, mais je vois plus que c'est Hawkeye qui lui passait. Bon, c'est vraiment pour dire qu'il a un intérêt assez mineur, c'est comme Hulk. Hulk aussi, je crois qu'on n'a pas vraiment de gros plans sur lui. Dans la bataille finale, c'est une grosse Je vois, et pour moi c'est un peu pareil. Donc au final, tu vois, on peut pas vraiment parler de personnage central, ça reste le même Hulk. Au final, il est un personnage secondaire. Et donc, dans Endgame. Tu sais, il y a aussi cette scène à Vormir avec Natasha. Oui, non, mais il y a quand même une grosse scène assez marquante. Mais après, en soi, c'est vrai que je pense que son coup de poing qu'il a tapé pour avoir plus de temps à l'écran dans Avengers 2, il a quand même au final été remis au second plan derrière, je trouve. Oui. Ça n'a pas forcément suivi, mais après, le problème, c'est qu'on a tellement d'autres personnages qui sont apparus, que ce soit Doctor Strange, il y a Spider-Man qui est arrivé, il y a Black Panther. Forcément, déjà dans Avengers, il était pas dans Infinity War, non? Il était pas dans Infinity War. Il a été mentionné, mais il y passe, non? C'est ça, et déjà, c'est un exploit d'avoir réussi dans Infinity War à faire tenir autant de personnages sur l'intégralité du long métrage. Donc, c'est vrai que s'il y avait encore plus suivi, enfin, même s'il avait été dedans, il aurait eu un temps d'écran minime. Bon, au final, c'est vrai qu'on attend vraiment sa petite série. Et en plus, oui, ça va développer son côté famille, qu'on avait déjà commencé à travailler dans Avengers 2, qui était plutôt cool parce qu'au final, c'est un des rares personnages où on est vraiment entré dans, j'ai envie de dire, dans sa vie hors super-héros. C'est vrai. Et c'est ce qui a fait que ça l'a quand même rendu assez attachant. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de le retrouver maintenant. Si tu me dis demain que la série elle est annulée, bon, je vais pas pleurer non plus. Non, c'est pas. Et du coup, le film dans lequel vous l'avez le plus apprécié? Avengers 2. Ah, Avengers 2, je pense que c'est pas discutable. C'est vraiment le film qui approfondit le plus le personnage, qui montre que c'est pas juste quelqu'un au second plan qui tire avec des flèches. Je sais pas. Après, on en a pas fait référence, mais dans Civil War, vous l'avez trouvé comment? Parce qu'il apparaît dans Civil War, il apparaît juste pour le combat pour l'aéroport déjà. Exactement. Ouais. Mais non, après c'est sympa, ça fait des interactions en plus avec les flèches, avec Ant-Man qui monte dessus. faut dire, l'intérêt était ailleurs. C'est vrai que dans les personnages qu'on avait surtout envie de voir dans Civil War, c'était l'introduction de Black Panther et de Spider-Man. Ouais. Bon, c'est vrai qu'Okay, bon, là, c'était pareil, c'était un rôle second. Mais c'est vrai que pour revenir sur Avengers 2, c'est lui qui a certainement la réplique, même la plus marquante du film, quand il parle à la sorcière rouge avant qu'elle sorte, quand il dit, ouais, maintenant, si tu sors, Oui. si tu passes cette porte, tu es une Avengers, et c'est vrai que Ah c'était oui, un. ouais, alors Mais tu vois, ça. c'est bête, mais cette phrase aurait pu clairement être une phrase sortie par Captain America. Mmh. Et on dirait que voilà, vu que le mec a tapé du poing sur la table, on dirait que non, ben voilà, cette réplique, c'est lui qui va la sortir. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même eu un effet. Enfin, le fait qu'il soit mis un petit peu à gueuler, ça a eu son petit effet sur le film. Ensuite, derrière, bon, comme je disais, dans Civil War, on se retrouve, hein, il est reparti au second plan. Ouais, c'est dommage parce que vraiment avec tout ce qui a été fait dans Avengers 2, c'est un personnage qui avait du potentiel. Après, moi, je Donc trouve à qu'il y a voir. une occasion ratée. Je ne sais pas vous, mais je sais qu'après la Avengers, le premier Avengers, on aurait pu le, je sais pas quoi, on aurait pu le voir dans Captain America, le soldat d'hiver. Et On aurait pu, en effet. moi, Parce moi, qu'en je me fait, rappelle c'était. qu'au moment des bandes annonces et tout ça, on se disait, mais pourquoi il n'y a pas Clint Barton dans le film, quoi. Oui, parce qu'il fait, il fait un duo, il faisait un duo avec Natasha. Donc c'est vrai qu'on Ouais, aurait puis pu. surtout, tu sais, c'est par rapport au Shield, le fait que, ben, Oui, non, il y mais a Nick clairement. Mais ça, Fury. bon, après, c'est vrai que c'est bon, à ce moment-là, tu te dis aussi pourquoi est-ce que Iron Man débarque pas durant le combat final. C'est vrai que t'as des trucs comme ça Ouais, c'est partout. vrai, ouais. C'est vrai que c'est Mais un peu c'était un. légitime, tu vois, pour OK, je pense que ça aurait été légitime qu'il fasse une apparition là-dedans, Ouais, c'est là pour le mais. coup, ouais, ça, en plus, dans le style de film d'espionnage, c'est vrai que ça aurait pu, Ouais, on aurait pu voilà, même ça le aurait pu. rajouter, tu vois, c'est bête, mais la scène du bateau, au début, Ouais, ça aurait pu. tu vois, c'est, moi, je le vois bien, débarquer aussi sur le bateau avec Natasha et le capitaine, et puis, voilà, tirer ses flèches pour éliminer des gardes au loin, il aurait pu avoir son petit rôle. C'est vrai. Et pour en finir sur ce personnage, est-ce que vous le voyez faire une apparition dans Black Widow? Bah, pour tout Parce que dire, pour l'instant, rien n'a été annoncé. j'y ai Pour même pas l'instant. réfléchi, mais c'est vrai que oui, alors Black Widow, il va se dérouler, c'est après ou avant Civil War? Alors, C'est c'est les après deux, non? Civil War, Mais il va y avoir des scènes flashback ouais, donc c'est après sur le Civil passé de War et Natasha. avant Infinity War. Non, mais en soi, oui, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait être sympa. Et je pense, ouais, ils peuvent même se permettre de garder la surprise, parce que même si le mettre dans les bandes annonces, c'est pas vraiment ça qui va changer le box-office. Donc non, je pense qu'ils peuvent pour une fois garder la surprise. Après voilà, il commissaire que son même Tony Stark qui disait qu'il y aurait peut-être une apparition en flashback. Ouais, mais ils vont Ouais. reprendre une scène coupée de Civil War. D'accord. Ouais bon bah C'est du coup ce qui a été annoncé. bon c'est normal qu'ils communiquent pas dessus. Parce que là ça aurait pu être bâtard de leur part de communiquer vraiment sur Robert Downey Jr. dans le film alors que voilà tu vas le voir pendant une scène. Mais tu vois, enfin, ça serait l'occasion idéale de nous montrer un peu ce qui s'est passé à la fameuse scène de Budapest. Oui, parce que c'est vrai que, bah oui, bah, clairement, parce qu'ils en parlent. Donc, au bout d'un moment, il y a tellement de choses qui ont été lancées, qui n'ont pas Non été mais retravaillées grave, derrière. vraiment, ouais, c'est vrai. Bah, pareil, oui, bah, le passé de Natacha, on va le faire. Bon, après, Natacha a eu que ça n'a pas été retravaillé à la suite. Mais, ouais, non, le côté Budapest, c'est vrai qu'ils en ont parlé, je crois même plusieurs fois, hein, je crois, dans MCU, hein, je crois. Hein, Ils donc, en ont parlé dans le premier Avengers, c'est dans Endgame. ouais, donc, oui. Donc, ouais, non, ce serait bien. Je Ça pense pourrait que être sympa, ouais, qu'ils apprécient. C'est pas un hasard qu'ils en aient parlé dans Endgame. Pour moi, ils en ont reparlé, c'est un petit rappel et ça m'étonnerait pas qu'on retrouve cette partie. Pour toi, ouais. Et toi, Tobias, tu penses qu'on verra Clint Barton dans Black Widow? Je pense que ça serait bien parce que déjà Budapest, forcément, voilà, tout le monde se demande qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé? passé, voilà. Et puis, ouais, non, ça pourrait être cool parce que vu la proximité entre le personnage de Black Widow et de Hawkeye, ça pourrait peut-être amener quelque chose, même si bon, maintenant c'est un peu trop tard pour les deux, quoi. On va pas. Je pense que s'ils voulaient approfondir un peu plus le personnage et la relation Black Widow et Hawkeye, ils auraient dû le faire avant que Black Widow meure, quoi. Ouais, Ça non, mais là aurait c'est. eu un peu plus d'intérêt, je pense, mais je sais pas. Je trouve que Là dans le c'est. premier Avengers, enfin, leur relation, elle est déjà bien. Et est-ce que vous en attendez quelque chose de la série ou pour l'instant c'est un peu trop loin? Moi, voilà, c'est vrai que ça développe un peu plus le personnage, qu'on puisse peut-être développer encore son côté famille, qu'on s'attache à lui. Ouais. Ensuite, bon, c'est un peu loin, c'est vrai que je suis déjà curieux de voir ce que Moi, ça c'est va pas donner avec le faucon, et le soldat d'hiver. Ouais, bah c'est vrai. Donc déjà voir à quoi ça va ressembler, c'est des épisodes de combien de temps. Bon, ils ont déjà donné 2-3 infos, je crois que ça sera presque des petites mini-séries de 5-6 épisodes, avec un épisode par semaine. Ouais, j'attends déjà de voir au niveau du format à quoi ça va Ouais, ressembler. voir Mais ce que par ça donne, contre, ouais. le fait de mettre Clint Barton dans Black Widow, ça peut être aussi une petite piqûre de rappel en mode, ah oui, le personnage il est toujours là. Et hey, l'année prochaine, il y a sa série qui arrive Sa aussi. Donc ça série, peut ouais, c'est permettre, tu vrai. vois, ça peut permettre déjà Ouais, de commencer à rappeler, voilà, que ce personnage est encore vivant et qu'on va le retrouver l'année prochaine. Donc déjà commencer tu la as pas com tort. pour cette mini-série. Tu as pas tort, ouais, je suis d'accord. Bon, bah, je pense qu'on a fait un tour d'horizon sur ce personnage. Yes, Oui, on je a crois assez, pas. ouais. Ouais. À noter que lors de sa première apparition dans Avengers, il est appelé le Faucon par le docteur Eric Selvig, je sais pas si vous vous rappelez. Ah Donc, moi je m'en je souvenais sais pas pas. s'ils avaient prévu de Ils l'appeler en comme ça au parlent, ouais, début. ça c'est. Ils en parlent, c'est tout au début Ouais, quand tout au Loki vient début, chercher ouais. le Tesseract, hein, ouais, je me Ah ouais, souviens. c'est ça. Donc, voilà, pour la petite anecdote. Donc, je pense qu'on peut passer au troisième sujet. Alors, à tour de rôle, on va donner notre plus grosse déception. Du Le MCU. film pour lequel on a été le plus déçu dans le MCU, Clapman. Il y a peut-être des choses à dire là-dessus. Ouais, alors Quel ce est ton serait choix? alors moi c'est j'ai sorti un top Marvel Ah, avec les tu 24 peux, films ouais. du MCU sur ma chaîne. Donc de toute façon, faut que je reste en accord avec ça, et de toute façon je suis toujours en accord. Ouais. Moi c'est incontestablement Iron Man 2. D'accord. Ah, là, on est Alors. d'accord. Ah. Du coup, Alors. et toi Mickey, du coup, pour savoir si tous les trois on charcute le film et... Alors, moi, par contre, tu vois, Iron Man 2, je l'apprécie. Donc, bon. Mais moi, ma plus grosse déception, c'est Ant-Man et la Guêpe. Bon, Tu vois, c'est... en fait il est nul, mais j'avais zéro attente pour ce Ouais, film. voilà, c'est J'avais pas exactement été pareil. décevant. Ouais, c'est ça, en fait. Bon, je pense qu'on va avoir des flops différents. Et toi, Tobias? Bah du coup Iron Man 2, ouais, c'est pas mal, c'est quand même pas mal comme flop, mais je sais pas si Ouais. c'est lui mais vraiment ma plus grosse déception Le ou si film qui c'est t'a le plus Thor. déçu. Ah, Ouais, Thor? ou Thor, ouais, Lequel? le premier. Le premier Wow. Le Thor? premier parce D'accord. que le deuxième j'attendais rien du coup. Ouais. Mais ouais, voilà, justement, c'est comme pour Ant-Man, je pouvais pas être déçu d'Ant-Man et la Guêpe vu que Ouais. j'en avais rien à carrer, mais du coup je Bah, sais pas, je on sais va pas s'expliquer pourquoi. là-dessus. On va commencer par toi, Clapman. Pourquoi tu étais déçu d'Iron Man 2? Moi je pense, bah, pour revenir encore sur c'est vraiment ce que j'évoquais ça tout à l'heure quand on parlait d'Iron Man 3, c'est vrai que moi je pense, à chaque fois les films de super-héros, l'une des parties les plus gros, les plus importantes des films de super-héros aujourd'hui et de ce nouveau genre de film, j'ai envie de dire, pour moi ça a toujours été le méchant. Donc le méchant et les combats, les affrontements avec le méchant. Donc je revenais tout à l'heure sur le combat épique dans Spider-Man 2 entre Peter Parker et Octopus sur le train. Là, les combats dans Iron Man 2 avec Mickey Rourke, Ah. vous pouvez les chronométrer, hein. Il y en a deux, il y a Ça celui à Monaco et le combat final. Les deux chronos en main durent 30 secondes. Et genre, Ouais, je trouve ça mais aberrant. C'est vraiment, les deux durent 30 secondes. Donc, t'as aucun moment épique, y a rien qui est écrit autour de ça. Même le fois, bah, le final, le combat du 1 était pas ouf. Et je pense même que le final du premier Iron Man, c'est son petit point faible, ce combat final. Ouais. Voilà, avec le 2, ouais, ils ont fait largement pire. C'est pour ça que Iron Man 3, j'aime bien la fin. Parce qu'Iron Man 3, bah, ils ont quand même réussi à créer quelque chose de nouveau. Tu vois Tony Stark se balancer dans tous les sens, sauter dans le Ouais, vide, toutes ces se faire armures. attraper par une armure, repartir dans une autre armure. Et donc voilà, ça bouge dans tous les sens, ça pète dans tous les sens. Le final est long, donc il y a quand même ce côté très plaisant et très divertissant. Et on revient aussi à la notion d'épique. Mais sinon, voilà, non, Iron Man 2, c'est deux combats avec Mickey Rourke, deux fois 30 secondes, et non, non, mais ça me convient pas, non? Après Iron Man 2, je fais écho à ce que tu viens de dire par rapport à la scène de Monaco. T'as quand même un moment stylé où t'as Iron Man qui a sa combi, qui a son armure dans la valise. Et tu sais, quand il commence à la mettre et tout, là quand même, je trouve que c'est une scène réussie. Ouais, c'est ultra Avec cool, la mais après, musique c'est en vrai. arrière. en arrière-plan, tu vois. Toute la scène de Monaco, je la trouve très cool. Et après, sauf qu'au moment où il met son armure, bah, 30 secondes après, c'est fini, quoi. Donc, tu vois, c'est même bête que tu mets son armure, il met son armure. Et je me dis, putain, mais c'est trop stylé. Comment il fait. Et de toute façon, toutes les fois où celle dans Civil War aussi, où il est dans l'hélicoptère qui pose son doigt et son armure, c'est, tu vois, ça a toujours bien fonctionné. Mmh. Mais là, celle-ci, c'est peut-être la première où on s'est dit, waouh, c'est un truc de malade. Mmh. Et juste derrière, je vois, bah, 30 secondes après, bah, le combat, il est déjà fini, quoi. Et tu, merde. Tu t'attendais peut-être à davantage de chorégraphie, des trucs comme ouais, ça. Ouais, bah, que ça dure peut-être plus, ouais, que ce soit plus impressionnant, que ça dure plus longtemps. Ouais. Et vu comment on prépare la scène avec le fait, la façon dont il met son armure, c'est ultra dommage. Et ouais. Voilà, Iron Man 2, c'est un film dans l'ensemble qui me déçoit. Et chaque scène d'action, j'ai l'impression, mais prise une par une, me déçoit aussi. Donc au final, c'est vrai que ça fonctionne moyennement pour moi. Après, sur la scène finale, t'as le team-up avec War Machine qui est sympa, je trouve. Moi, même si toi tu t'attendais peut-être à davantage de chorégraphie, parce que le final ils se battent avec toutes les petites armures, bon à la limite, ouais. Après, c'est les deux face à Mickey Rourke, après c'est vrai que voilà, c'est 30 secondes quoi encore, mais c'est rigolo, c'est dommage, c'est sûr qu'elle dure pas longtemps, mais c'est ça, t'as le moment où il met son armure, t'as le team up, t'as des choses comme ça, tu te dis putain, on peut avoir vraiment des bonnes scènes. Et au final, non, ça prend pas et c'est trop raccourci à chaque fois. C'est trop raccourci, c'est dommage. Et au final, même le personnage de Mickey Rourke, bon. Oui, voilà, même ça, t'as Mickey Rourke, c'est con, mais c'est quand même un mec qui a une gueule. Ouais. Tu peux faire des trucs de malade aussi avec lui. Et au final, bon, c'est devenu un méchant très oubliable. Et alors, c'est comme Mickey Rourke, c'est Mickey Rourke, c'est dommage. Ouais, c'est vrai. Et toi, Tobias, donc. Alors. Ouais, alors. Bon, le premier tort, dis-nous tout, pourquoi? Et je sais pas si c'est surprenant ou pas, ou si jamais il y a des gens qui pensent pareil que moi, mais bon, déjà, plus grosse déception, ça veut pas forcément dire plus mauvais film. Oui, c'est toi qui sais, c'est ton point de vue, hein, c'est oui, personnel. Déjà, c'est point de vue, et ensuite, c'est plus par rapport aux attentes qu'on a au film. Mm-hmm. Par exemple, je trouve Iron Man 2 beaucoup plus mauvais que Thor, si on veut mon avis, et voilà. Mais je sais pas, du coup, Thor, je pense que ce qui m'a fait le plus... pas détester ce film, mais qui m'a le plus repoussé, c'est le manque. Enfin, je sais pas, on voit pas assez Asgard. Pour moi, je sais pas. Ouais. C'est. Quand je m'attendais à voir Thor, je m'attendais à voir un film, ça y est, qui change un peu la donne du MCU après tous les autres films qui étaient sur Terre dans la phase 1. Là, directement, on nous introduit des dieux, le royaume d'Asgard et tout. Et au final, pour qu'après 20 minutes de film, 30 minutes, sur 2 heures, il se retrouve sur Terre. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Ça m'avait un peu déçu. Et au final, même sur Terre, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage de Jane Foster comment il s'appelle ? Darcy ? Ouais, oui. Et puis même le docteur, là, Selvig, je sais pas. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage sur Terre et j'ai été déçu qu'on voit pas plus les personnages comme Heimdall, Loki. Bon, Loki encore, ça va. Loki, on voit quand même. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quand même des scènes qui se déroulent pas mal à Asgard dans le premier tort. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais je sais pas, je m'attendais à beaucoup et au final. Je sais pas, je me suis ennuyé devant ce film. D'accord. Et ok. Et après, moi, c'est purement personnel et du coup, c'est pour ça que j'ai pas grand chose à dire, mais c'est mon ressenti. Voilà. Et moi, du coup, Ant-Man et la Guêpe, en fait, c'est le film qui arrive après Infinity War. Et j'avais beaucoup apprécié le premier Ant-Man. Et. Ouais, c'était cool, hein. Ouais, il était cool le premier. Et en fait, le 2, je trouve qu'il n'y a pas d'histoire. En fait, c'est une course-poursuite. Ouais. Enfin, ils essaient de choper le laboratoire, ça tombe sur un gangster, puis ensuite, je sais pas, j'ai pas compris ce film. Enfin, il a un rythme. Je trouve qu'il y a pas d'histoire en fait. Ouais. Tu vois, ils essayent. Je m'attendais à tellement, enfin, voir le royaume quantique, à en voir beaucoup plus, à voir un peu les répercussions de Civil War ou un truc comme ça. Et au final, je trouve que c'est humour à don, pas vraiment d'histoire. Les personnages sont pas vraiment développés. Je trouve que Scott Lang, par rapport au premier Ant-Man et à son apparition sur Civil War, il n'y a pas vraiment de développement. Janet, la mère de la guêpe de Hope, je trouve qu'on la voit pas Beaucoup, elle a des pouvoirs, tu sais pas comment elle les a chopés. Ouais, enfin, après, un peu, c'est le premier film. Moi, mais ce film, Ah, j'ai du mal. totalement. Pour moi, c'est un film vraiment inutile. Ouais, Et exactement. Il la aurait pu être seule. utile, hein, de base, Bah, tu vois. en fait, il aurait pu être utile. Et sa seule utilité, c'est le royaume quantique. Sauf que même ça, au final, quand tu regardes bien, c'est pas forcément en accord avec comment est présenté le royaume quantique dans le monde quantique dans Ant-Man et la Endgame, Guêpe. C'est pas pareil, oui, c'est pas pareil que dans ouais. Endgame par rapport à la temporalité. Ouais. Donc c'est Carrément. ouais, donc c'est pour ça. C'est au final même la seule chose qui devait être intéressante sert à rien. Et après bon, tout ce qui est personnage méchant course-poursuite, bon après c'était vraiment plus que l'humour marchait pas non plus. Enfin non, j'ai vraiment pas du tout apprécié. Mais après, Pareil là où on peut pour comprendre la déception, c'est parce qu'aussi c'est le premier film qui est sorti après Infinity War, et donc Ouais, après bien la sûr. décimation des Oui. Bien sûr. zéros. Donc ouais. Après, il y a aussi cette méchante là, Ghost, où en fait, tu sais, elle est méchante, mais tu au final, elle est pas vraiment méchante. Ouais. Ouais. J'ai pas de scène mémorable en fait. T'as la guêpe qui se tape plutôt bien dans la première scène où elle enfile son costume. Après, t'as ce dysfonctionnement du costume d'Ant-Man où ils vont chercher des trucs. Enfin, je sais pas, j'ai été déçu par ce film. Donc voilà. Genre, franchement, le Ant-Man 3, je l'attends pas de ouf. Si Bah, jamais il doit y ah avoir si, un. mais ça, Il est ils l'ont prévu, confirmé. il a. Ouais, ça a été officialisé, hein. Il y aura Mais bien un pourquoi? Ouais. Ant-Man 3. Bah, Alors, je je suis pense que méchant, je le suis même méchant. Marvel Studios a l'air de fonctionner en trilogie, donc Ouais. ça paraît cohérent de faire ce choix, mais j'espère Ouais. que ça sera pas un énième film remplissage, en fait. J'espère qu'il aura vraiment Ouais. son utilité. Mais ouais, pour moi, Ant-Man et la Guêpe, c'est le film avec lequel j'ai été le plus déçu. Ant-Man, Ouais, c'est non, mais vraiment pour moi, c'est. c'est le personnage OSEF du MCU. C'est vraiment, il est là. Qui est Ant-Man? Ouais. Non, je dirais pas que c'est En un termes personnage de. OSEF, moi, perso, Des mais. films perso qu'il a eu, c'était plus des films, voilà, pour remplir des trous et. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai Ouais, perçu tous ces films. non, Moi, moi je suis d'accord aussi. Pour moi, c'est aussi le personnage aujourd'hui. C'est pour ça que moi je pensais vraiment que Ant-Man 3, je pensais pas qu'il verrait le jour. Donc je suis assez Ouais. étonné parce que bon, Non, c'est ça a bien été officiel. ouais, mais ouais, c'est même commercialement, ça rapporte pas non plus. Enfin, box office, ça va taper lui Ouais, 600 ça a quand même millions. fait des. Ouais, c'est quand même. Enfin, c'est Ouais, mais déjà un beau bon, score hein, pour tu un. dis, oui, c'est un Ouais. beau score pour Ant-Man. Bon, tu dis aujourd'hui, c'est pourquoi passer du temps sur Ant-Man quand à côté tu peux faire un nouveau, je sais pas, un Captain avec le nouveau Captain et tu sais que tu vas générer plus d'argent par exemple. Donc, ça, c'est Après. assez étonnant. Après, est-ce que la cote de popularité du personnage a grandi avec Endgame? C'est vrai qu'il a quand même un rôle central Peut-être. hein, dans le film. Tu vois, le fait Ouais. qu'il revienne avec la solution du voyage dans le temps. Il a plutôt des scènes sympas avec les autres Avengers, pareil pour la bataille finale. Donc je me dis, tu vois, au final, si c'est pour faire quelque chose d'utile et d'efficace, moi je suis OK pour Ouais, Ant-Man 3 après. je suis pas sûr qu'on retienne vraiment ce qu'il fait dans Avengers Endgame. C'est con, mais Ah c'est ouais, vrai toi que. tu. Ah ouais? Bah ouais, parce que c'est vrai que, mais c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que, comme tu dis, c'est vrai qu'il a un rôle assez central, en tout cas durant la première partie du film. Et je pense que, ouais, non, au final, je pense pas que les gens soient plus attachés à lui, soient plus intéressés à lui, parce que ce qu'on a vraiment retenu d'Endgame à la fin, bon, bah, c'est vrai, c'est Captain et Iron Man, donc bon. C'est vrai que je pense pas. Moi, pour moi, Ant-Man 3, là, comme ça, si je dois faire un petit pari, je pense qu'Ant-Man 3 fera moins box-office qu'Ant-Man 2, Ah ouais? sauf si tu rajoutes un Avengers au casting. Ouais, ça peut être sympa ça. Bah, pour moi, c'est la seule solution. Enfin, ouais, si tu te places dans le film comme ça, je sais pas, un Strange, un Spider-Man, c'est pas ce qu'il aurait à foutre là, mais. S'il te fout dedans, bien sûr que le film Un fonctionnera bien petit plus. featuring, ouais. Ouais, bien Après, il y a sûr. pas mal d'intrigues qui sont laissées bah, justement avec ce Ant-Man 2, avec le retour de Janet, le royaume qui t'as encore du potentiel à explorer. Donc, la fille de Scott aussi. Le fait qu'elle puisse peut-être reprendre le flambeau. Enfin, moi, comme je l'ai dit, je suis pour, mais il faut que ce soit utile. Donc voilà. Bah, je Non, pense mais ça. on a fait Non, mais le tour ça marche. de ce podcast. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout Mais bon? ça a l'air tout bon. Pour moi, Ouais. c'est Bien bon. On a bien discuté. fait le tour de chaque Voilà. sujet. Ouais, c'était intéressant, c'était sympa. Non, c'est Et moi. ben, merci à toi, Clapman, d'avoir été présent. C'est super cool, c'était sympa. On espère que tu as apprécié ce moment. Non, mais totalement. Et puis, à l'avenir, avec moins de problèmes, peut-être, on pourra refaire ça. Bah ouais, avec plaisir, tu reviens quand tu veux, hein. Et puis ben, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur toi ou mater tes vidéos, ben, on invite tout le monde à te follow sur YouTube et sur tes réseaux sociaux. Tous les liens seront en description. N'hésitez pas également à liker, partager cette vidéo, ce podcast, à laisser un commentaire, nous donner vos avis sur les différents thèmes, à nous suivre maintenant sur Spotify. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Tobias Chromic. Et oui, sera en description. Merci à toi Tobias d'avoir été là. Toujours un plaisir et surtout avec des invités de qualité qui ont des ambulances. Bah, j'espère que tout va bien chez toi Clapman. Tu l'entends. Non mais le son marche trop bien. Mais attendez, c'est ça, c'est ce que je vis quand je tourne mes vidéos. C'est à peu près tout. Quand j'entends ça, faut que je me taise. Est-ce que ça sert à rien de me rejeter? Ouais. Je suis étonné que vous l'entendiez autant. Mais non, coronavirus, tout ça. Ouais, bien, voilà, c'est pour ça. En tout cas, c'est un plaisir. Merci à toi, Clapman, encore une fois. Et puis, non, mais merci à vous. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.